الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على المصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ici on continue inshallah ta'ala, نواصل مع هذه الآية، واتبع سبيل من أناب إلي. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, il suit le sentier de celui qui se tourne vers moi. On a parlé ici de ce sentier-là, qui était le sentier de Ahl Sunnati wal Jama'a, ceux qui s'accrochent fermement à la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam, wal Jama'a alladhina yajtami'una hawla hadhihi Sunna al-Mubaraka, c'est-à-dire le groupe, ceux qui se réunissent autour de cette Sunna, autour de cette Sunna, c'est-à-dire la voie, le chemin, la voie du prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim, le chemin du prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim, la moralité, le comportement, les paroles, les actes du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. On avait expliqué le terme al-inaba. Allah azza wa jalla dit wattabi' sabila man anaba ilay. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. On a expliqué qui sont ces gens-là qui se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit qu'ils réunissent des critères. Ils ont certaines caractéristiques. Et ces caractéristiques, ici, les a notées, les a, où on a parlé, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala. Et il dit, rahimahullah ta'ala, n'a le droit d'être appelé munib que celui qui a réuni ces quatre degrés, c'est-à-dire celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui se soumet à Allah azza wa jal, qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se détourne de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne-là, on peut l'appeler munib bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ces personnes-là, on doit les suivre. D'accord? Car eux, ils ont suivi ce sentier qui est agréé, qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ces gens-là, on forme ce qu'on appelle al-jama'a, le groupe. Et c'est important de former al-jama'a, comme on a dit, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et le hadith, il est jugé fiable par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, al-jama'a rahma wal-furqatu azab. Le groupe est une miséricorde, et la division est châtiment, comme a dit ذلك عليه الصلاة والسلام, comme a dit cela notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Ce groupe-là, yuwal ahibba, c'est le groupe, comme on l'avait cité, dont le prophète عليه الصلاة والسلام en a parlé quand il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. Ici, il y aura toujours comme le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, un groupe de ma communauté ici qui sera sur la vérité, qui restera ferme sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure. Quel est ce groupe? Ce groupe-là n'est autre que le groupe de Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Le groupe qui s'accroche à la sunna du prophète alayhi salatu wasalam et au groupe ayyuhal ahibba, c'est-à-dire à ceux, avec ceux qui se réunissent autour de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et on avait dit que ce terme, la sunna, et ce terme, al-jama'a, ici, yani qu'on utilise pour désigner ce groupe-là, il y a des preuves dans le Coran et dans la sunna de ces termes-là. On a le droit de dire on fait partie du groupe de al-sunnati wal-jama'a, car ceci est demandé à travers le Coran et la sunna. Comme on a cité le hadith authentique où le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ma communauté se divisera en 73 parties. Et ici, tous en enfer, sauf une. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, wa hiya al-jama'a. Firiwaya, dans une version authentique, il a dit, c'est le groupe. Et dans une autre version, il dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi, ainsi que mes compagnons, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Donc de là, on a le droit de dire et d'utiliser ces termes qui sont relatés dans ce même hadith. Dans ce hadith où le prophète alayhi salatu wasalam, dans différentes versions, a rappelé al-jama'a et a rappelé ce sur quoi est le prophète alayhi salatu wasalam, ainsi que as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Donc on va rester avec ce terme qui est al-sunnati wal-jama'a, apporté et expliqué par Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, pour reconnaître ces gens-là qui suivent la vérité. Donc al-sunnati wal-jama'a, ici cette phrase-là si on veut, et ce groupe-là, ici est désigné par ces termes-là, et dans ces termes-là on retrouve la sunna et on retrouve al-jama'a, le groupe. On va parler de la sunna et on va parler du groupe. L'importance de la sunna et l'importance du groupe. Les textes prophétiques et divins avant tout concernant la sunna et les textes divins et prophétiques concernant al-jama'a, pour bien comprendre qui est ce groupe. Et quand tu diras je fais partie insha'Allah ta'ala de ce groupe-là, tu auras bien compris ce groupe et tu ne répéteras pas comme certains perroquets le font. Parce que c'est devenu une mode de répéter certains termes. Exemple, moi je suis des cours de tawhid, donc je suis sur le droit chemin. Toi, les cours que tu suis, le titre n'a pas comme moi, n'a pas pour titre les cours que tu suis, at-tawhid. donc tu es égaré. Donc ça, c'est des gens qui répètent comme des perroquets, ils n'ont rien compris. Par exemple, quand tu vas leur dire, moi j'étudie Al-Qur'an Al-Karim, ils vont te dire, non, il faut faire un cours avec écrit, cours de Aqida, Usul Al-Thalatha, des livres demandés bien sûr. Voilà, quand tu lui dis, Al-Qur'an Al-Karim, comme on dit les gens de science, comme Ibn Baz, rahimahullah wa ta'ala, dit, et d'autres gens de science, on dit, du début jusqu'à la fin, c'est quoi Al-Tawhid? Il dira non, psychologiquement, tellement qu'il suit une mode, tellement qu'ici, il pratique la religion mécaniquement, tant qu'il n'a pas entendu cours de Tawhid, pour lui, il est pas bien. Même si le contenu du cours, c'est du tawhid, c'est de l'aqida. Voilà qu'il non, lui, il est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a suivi aveuglement des gens. C'est devenu une mode pour lui, certaines pratiques. C'est devenu une mode pour lui de citer certaines appellations, wal'iyadhu billah. En bref, c'est un égaré. Il a beau dire, je suis la sunna, et j'aime la sunna, voilà qu'il, tant qu'il réagit comme ça, fawarab bil ka'ba, qu'il s'est égaré. Et ça, avec les preuves claires du Coran et de la sunna, bi aqwal al-ulama, al-Qur'an al-Karim kamil, c'est tawhid. C'est pour ça que c'est impensable d'étudier Al-Qur'an Al-Karim sans parler de Al-Asma wa Al-Sifat, de tawhid Al-Uluhiyya wa Al-Rububiyya wa Asma wa Al-Sifat, et de parler de tout ce que tu vas retrouver dans Kutub Al-Aqaid ou bien dans Kitab Al-Tawhid ou bien, c'est impossible. C'est la preuve de cela dans les nombreux cours, les dizaines, les centaines de cours qu'on a fait concernant Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Est-ce qu'on en a parlé de tout ça? On en a parlé ou pas de tout ça? On en a parlé et on ne cesse d'en parler. Même dans les cours de jurisprudence, on parle de tawhid et de aqida. Donc ici, pour bien comprendre c'est quoi le minhaj ayu al-ahibba, il faut ici écouter, ici attentivement. Et implorer Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers la vérité. Et être sincère à travers votre recherche religieuse. Et de ne pas coûter bêtement n'importe quelle personne. Mais de faire travailler votre cervelle et vos cervelles ayu al-ahibba. Et de ne pas suivre aveuglement, je le répète encore. Et de ne pas être impressionné quand on vous parle en arabe littéraire ou on vous cite certains savants. Il n'y a pas que 2, 3 ou 4 savants, ayyuhal ahibba. Il y a eu des milliers de savants qui ont existé. Et il y a des dizaines et des centaines de savants au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un savant au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas que 3 savants, il n'y a pas que 4 savants, bien que les savants se font rares. Et de plus en plus rares, ayyuhal ahibba, wa hadha min ashrati sa'a. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Walakin, ici c'est un appel à toute personne douée de conscience. Ici, réfléchissez et étudiez votre religion comme il se doit et comprenez bien. Et ici, on ne veut pas aussi entendre des sœurs et des frères qui, au bout de 5 ans de religion, de 10 ans de religion, quand tu lui dis quel est ton minhaj, il va te répéter comme un perroquet. Ou quand il va te le répéter, tu vas lui dire explique-moi ce minhaj, il ne sait pas répondre. Que ce soit les frères et sœurs, il faut atteindre un certain niveau, ayyuhal ahibba. Que ce soit dans la jurisprudence al-fiqh, que ce soit dans usul al-fiqh, les fondements du droit, que ce soit dans fiqh al-waqi', ou que ce soit dans ici fiqh al-da'wa, ou que ça dans tous les sujets, dans l'aqida, dans le tawhid, il faut un certain niveau, un niveau au moins de base qui te permet de répondre avec preuve du Coran et de la sunna bi fahmi salaf al-umma, du moins à des nouveaux, à des personnes qui commencent à rentrer dans la religion pour ici les orienter vers le chemin de la vérité et ensuite à eux de faire les efforts et ici de répondre à des gens de science quand ils ne savent pas ici, comment ou où trouver leur réponse concernant tel et tel sujet dans les détails, etc. Voilà, au moins tu peux les aiguiller bien, et il va pas avoir une personne en face de lui, ça fait 5 ans ou 10 ans de religion, il sait même pas lui expliquer c'est quoi al-sunnati wal-jama'a wal-ayyadhu billah. Ça c'est honteux et c'est catastrophique, ayyuhal ahibba. Al-sunnati wal-jama'a, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, c'est quoi? C'est le groupe sauvé que le prophète alayhi salatu wassalam a cité. C'est le groupe sauvé, ayyuhal ahibba. Et ce terme-là, au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le précédent cours, on peut l'utiliser, il n'y a pas de mal, pour se différencier des autres groupes ou des groupes égarés. Pourquoi? Parce que ce groupe, on n'a pas entendu au jour d'aujourd'hui que c'est un nom ou un terme qui est une source de division dans la communauté. Contrairement à certaines appellations comme Ikhwani, Tablighi, Salafi, etc. Ça, c'est des sources de division. Et quand le terme, le nom, devient une source de division, d'accord? Nous disons, délaisse ce nom, mais suis le sens de ces appellations. Et met en application, ici, ces noms-là. Vis avec ces noms-là, avec ces appellations-là, ayyuhal ahibba, et délaisse le fait de te dire, je suis salafi, je suis tablighi, je suis ikhwani. Mais dis, moi je suis le Coran et la sunna bi fahmi salafi l'ummah. Et c'est pour ça qu'Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, s'il t'interroge sur ton shir, tu dis, shaykhi, c'est qui? Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et s'il t'interroge, ici, sur ton minhaj, tu dis, mon minhaj, c'est le Coran et la sunna bi fahmi salafi l'ummah. Et s'il t'interroge sur ta jama'a, tu dis, huwa sammakumul muslimin. C'est lui qui vous a donné cette appellation de musulman. Ma jama'a, mon groupe, c'est les musulmans. Et nous, on est sur la voie de qui? As-salafu salih. C'est obligatoire. Celui qui sort de ce minhaj-là, il est égaré. Donc, on est sur la voie des ancêtres pieux. C'est-à-dire, on suit la voie des ancêtres pieux. On doit se conformer aux paroles des ancêtres pieux. Car ils ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wasalam, comme on l'a cité maintes fois dans le hadith rapporté par Muslim et d'autres, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit, khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon époque. Ensuite, ceux qui viennent après. Ensuite, ceux qui viennent après. Il a cité les trois générations. Il y a une preuve. Et on doit suivre la voie des ancêtres pieux, la preuve, le hadith rapporté par Muslim, tout simplement ça s'arrête là. Al-Sunnati wal-Jama'a ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala l'a cité et en a parlé. Pourquoi? Car ces termes ne sont pas des termes qui sont inconnus. Et c'est conforme aux paroles d'Allah et paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Car le prophète alayhi salam il a dit, c'est qui ce groupe qui sera sauvé? Il a dit, ce sont ceux qui vont s'accrocher à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons. Il l'a dit ou pas? Donc la sunnah. D'accord? Ceux qui vont ça. Et dans un autre hadith, il a dit, c'est Al-Jama'a, c'est le groupe, donc il en a parlé. Donc il n'y a pas de mal. Et nous sommes obligés de faire partie de ce groupe si nous voulons être parmi les gens, bi'idnillah azzawajal, qui feront partie des gens du groupe sauvé. D'accord? Ça c'est obligatoire, car il y a les preuves, ils sont clairs. Maintenant, bien comprendre ces deux termes. Il faut bien comprendre ces deux termes. La sunnah, pourquoi vraiment devons-nous nous attacher à tel point à cette sunnah pour faire partie du groupe sauvé? Et Al-Jama'a, pourquoi devons-nous faire partie impérativement de ce groupe-là, c'est-à-dire Al-Jama'a, pour faire partie de quoi? Al-Firqatun Najiyah. Ici, de ce groupe sauvé, de ce groupe qui va réussir bi-idnillah azza wa jal fi dunya wa fi l'akhira. Écoute bien et suis avec moi. Concernant la sunnah, le prophète alayhi salatu wasalam en a parlé maintes fois. Mais il faut donner de l'importance à cette sunnah. Et ici, délaisser tout ce qui va à l'encontre de la sunnah. Donc là, on décortique bien ces termes-là, on a bien expliqué comme il se doit. Si vous avez compris ces quelques paroles, gravez-les dans vos cerveaux et gravez-les dans vos cœurs et transmettez-les comme il se doit. Fawarab bil Ka'ba, sans complexe, sans être impressionné par les qil wa qal, les ondits de certaines personnes égarées. Wal'iyadhu billah. Écoute bien. Awalan, le prophète alayhi salatu wasalam, il dit le hadith, il est rapporté par al-Hakim dans le Mustadrak et authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa an abi. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضل أبدا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام il montre l'importance de la sunnah. Il montre l'importance de suivre le Coran et le Karim. Ah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala, il a dit, s'il t'interroge sur ton minhaj. Ton minhaj c'est quoi? Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi afdalu salati wa azka taslim bi fahmi salafi al-umma. C'est le livre d'Allah et la voix du prophète alayhi salatu wasalam, la sunna, son comportement, sa moralité, ses paroles, ses actions. Donc ici, la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et pourquoi pas? Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, j'ai laissé auprès de vous deux choses. J'ai laissé auprès de vous deux choses. Si vous vous y attachez fermement, vous ne serez jamais égaré. Jamais. Jamais égaré. Kitab Allah, le livre d'Allah Azza wa Jal, et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ici, c'est la preuve que la communauté ici ne goûtera jamais au bonheur comme il se doit et à la parfaite rectitude tant qu'elle n'aura pas suivi ses commandements prophétiques, c'est-à-dire le fait de s'attacher fermement à qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salaf al-umma. C'est comme ça. Le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Si on veut pas s'égarer, à partir du moment où on s'écarte du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, soyez sûr qu'on va certes s'égarer. Walakin, si tu t'accroches au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sache que bi'idnillah azza wa jal, tu resteras toujours sur la rectitude bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Qu'a-t-il dit le prophète alayhi salatu wassalam encore concernant sa sunna? Parmi les preuves de l'importance du suivi de la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit et il met en garde. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunnah, qui s'écarte de ma sunnah, il ne fait pas partie des nôtres. Le prophète alayhi salatu wasalam, il rappelle qu'il ne fait pas partie de quoi? Il ne fait pas partie, فَلَيْسَ مِنِّي, il ne fait pas partie des miens. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus musulman. Walakin, il n'est plus sur la voie du prophète alayhi salatu wasalam. Il ne suit pas le chemin et les recommandations prophétiques. Il s'est égaré de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. L'importance de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Quelqu'un va nous dire, mais pourquoi vous vous appelez ou vous dites de vous appeler Ahl Sunnati wal Jama'a? Où sont les preuves? Voilà les preuves. Et l'importance de citer ce nom-là quand on veut se séparer ou alors plutôt se différencier de certaines sectes, certains groupes égarés, fais-le. Mais avant tout, tu es un musulman, bien sûr. D'accord? Mais ces termes, ils ont une origine. Bien sûr. Continuez avec moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, et le hadith, il est rapporté par Ibn Abi Asim, rahimahullah ta'ala, ittaqullah, كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع وطاعة وإن كان عبدا حبشيا وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Et il dit عليه الصلاة والسلام وعضوا عليها بالنواجذ. Le prophète عليه الصلاة والسلام il dit craignez Allah et écoutez et obéissez. Certes celui d'entre vous ici qui vivra, plus loin il dit, certes celui d'entre vous qui vivra beaucoup, verra beaucoup de divergences. Il verra beaucoup de divergences. Donc conformez-vous à ma sunna et celle des califes bien guidés. Attachez-vous-en fermement. C'est-à-dire, addu alayha bin nawajid, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, mordez-y fermement avec vos molaires, avec vos dents. C'est-à-dire, attachez-vous à cette sunna fermement et ne la lâchez pas, ne la délaissez pas, ne l'abandonnez pas. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit, si on veut ici goûter au bonheur, c'est de s'accrocher à la sunna et de s'écarter de tout ce qui s'oppose à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui s'oppose à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est autre que quoi? Al-bid'ah. C'est la bid'ah, c'est-à-dire l'innovation. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Qu'est-ce que c'est que le bid'ah? Ici, qu'est-ce que c'est que al-bid'a, l'innovation? La sunna, on en a parlé. C'est la voie, c'est la méthodologie, c'est le chemin, c'est le comportement, c'est les paroles, c'est la moralité, c'est les actes du prophète Muhammad alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Amma al-bid'a, c'est hiya ma uhditha ba'da mawti al-nabi alayhi salatu wa salam bi qasd al-ta'ud. Laysa alayha dalilun min al-kitab wala min sunnati rasulillahi alayhi salatu wa salam wala min al-sunnah. C'est tout ce qui a été inventé après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ce qui a été inventé après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Avec une intention ici, en voulant ici adorer Allah Azza wa Jal. Peut-être ton intention est bonne. En voulant te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En voulant en faire un acte d'adoration. Ah, c'est pas pareil qu'une personne qui va faire n'importe quel péché. Attention. C'est pour ça que les gens de science disent tout pécheur n'est pas innovateur. Un pécheur qui va faire un péché, par exemple, il va faire zina. Est-ce que c'est un innovateur? Non. بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ. D'accord? C'est quand il a fait une chose, ou il a inventé une chose, après, ici, la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, ici, et il en a fait un acte d'adoration, là, c'est un innovateur. Et comme disent certains gens de science, c'est pas une personne qui fait une seule innovation, c'est considéré comme un innovateur. Non, c'est celui qui répète les innovations. Et qui ne se rompt pas et qui ne revient pas à l'ordre quand on lui indique que c'est une innovation. Donc ici, cette personne-là qui fait un péché, il n'est pas automatiquement un pécheur. On n'appelle pas toute personne qui est pécheur innovateur. Faut faire attention. Mais قصد التعبد ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. Avec l'intention d'en faire un acte d'adoration alors qu'il n'y a aucune preuve ni du livre d'Allah ni de la sunna du prophète. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une bid'a. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé de bid'a et il a mis en garde contre al-bid'a. Et le prophète alayhi salatu wassalam, petit exemple, il dit, ma ahdatha qawmun bid'atan illa rufi'a mithluha min as-sunnah. Le prophète alayhi salatu wassalam, écoute ce qu'il dit. Il dit, il n'y a pas un peuple qui commet une innovation sans qu'une sunna identique ne soit enlevée. Il n'y a pas un peuple qui commet une innovation sans qu'une sunna identique ne soit enlevée. C'est-à-dire, quand une innovation vient, il y a une sunna qui s'enlève. Parce que la sunna est l'opposé de l'innovation. L'innovation est l'opposé de la sunna. Celui qui apporte des innovations, malheureusement, les sunnans, il y a des sunnans qui s'écartent et qui s'éloignent et qui disparaissent. L'innovateur, c'est pour ça, c'est quelqu'un de grave. Et c'est quelqu'un, yani, qui fait une chose grave dans la religion, qui apporte beaucoup de mal dans la religion, wal'iyadu billah. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il met en garde toujours contre ce qui va à l'opposé de la sunna, c'est-à-dire, al-bid'a. Et il dit, alayhi salatu wassalam, le hadith est rapporté par muslim, wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin, ou wa kulla bid'atin dalala. Dans le hadith rapporté par muslim, il dit, les pires des choses sont celles qui sont inventées. Ah, ce sont celles qui sont inventées dans la religion, hein. Là, on parle des choses inventées dans la religion. Et toute innovation, c'est pas quelques innovations. bid'a hasana, il n'y a pas de bid'a hasana, bonne innovation, mauvaise innovation. Ici, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui prétend qu'il y a une bonne innovation dans la religion, il a prétendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, khana al-risala, il a trahi ici le message. Il n'a pas tout transmis. Ça, c'est l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui le dit. Donc, il n'y a pas de bonne innovation et de mauvaise innovation. قال عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة كل بدعة ضلالة. Prophète عليه الصلاة والسلام dit: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Prenez garde à des choses inventées, car toute innovation est égarement. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: والحديث رواه البخاري ومسلم. Il dit عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ici, quiconque accomplit un acte n'étant pas conforme à notre ordre, celui-ci est rejeté. Donc ça, on a des textes et on cite quelques textes sur l'importance de quoi? La sunna. D'accord? On fait partie de la sunna wal jama'a. Pourquoi? Car le prophète alayhi salam a rappelé que c'est obligatoire de suivre la sunna. Et que ce qui va à l'opposé de la sunna, c'est un pur égarement. C'est-à-dire l'innovation et toute innovation n'est que égarement wal iyadu billah. Et dans une version, وَكُلَّ بِدْعَاتٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Et tout égarement est en enfer, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc nous on veut le paradis, on veut pas l'enfer. Donc si tu veux le paradis, tu dois te conformer et faire des actions qui vont te mener vers le paradis. Et tu dois t'écarter des actions qui vont te mener vers l'enfer, c'est-à-dire الْبِدْعَةِ. وَكُلَّ بِدْعَاتٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Toute innovation mène à l'égarement et tout égarement mène au feu. Ça c'est la sunna de façon très brève. الْجَمَاعَة. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur Al-Jama'a pour montrer l'importance de Al-Jama'a à titre d'exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle souvent de Al-Jama'a et il dit la tajtami'u ummati 'ala ad-dalal. Là, ma communauté elle ne se réunira jamais ici sur un égarement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit yadullahi ma'a al-jama'a wa fi riwaya 'ala al-jama'a la madallah azza wa jalla est avec le groupe et dans une version est sur le groupe. الجماعه الرحمه والفرقه عذاب comme on l'a dit مرارا وتكرارا ici on l'a répété plusieurs fois là le groupe est une miséricorde et ici la division est source de châtiment et on voit ceux qui se divisent والعياذ بالله ceux qui aiment la division فورب الكعبه qu'ils aient une barbe qu'ils aient un qamis qui dit je suis salafi فورب الكعبه qui ne fait pas du tout partie du groupe de اهل السنه والجماعه comme il se doit il a beau dire ce qu'il veut pourquoi parce que dans ce terme là on a السنه et on a quoi Al-Jama'a, ah, le groupe. Et ce groupe-là déteste la division. Et ce groupe-là ne veut pas réunir les gens sur Al-Hawa, ou sur Al-Shahawat, ou sur Al-Batil, ou alakin sur Al-Haq, sur la vérité. Et ce groupe-là, Yuhal Ahibba, c'est celui qui ne veut pas la division dans la communauté. Et ce groupe-là, Yuhal Ahibba, ici, il faut bien comprendre cette appellation qu'a ce groupe-là. C'est-à-dire Al-Jama'a. Qu'est-ce qu'on dit les gens de science sur Al-Jama'a? Qil, il est dit. Le groupe Al-Jama'a, c'est As-Sahaba. Menhum, Al-Jama'a, menhum, As-Sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Min ahli al-ilm man qal. Et toutes ces appellations, ces définitions, ici, se rejoignent. D'accord? Quand on dit, je fais partie de Al-Sunnati wal-Jama'a, pourquoi? Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, je répète pour que ça soit bien compris, clairement et de façon simple à tous et à toutes. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ma communauté se sépare en 73 parties, tous en enfer sauf une. Il a dit qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, hiya? Al-Jama'a, le groupe. Et la sunna d'où ça sort? Dans une version, le prophète A.S. authentique, il a dit quoi? Ce sont ceux qui sont sur... C'est lesquels? Ah, ceux qui sont sur la voie de qui? Du prophète A.S. sur ma voie. Le prophète A.S. est la voie des compagnons. Donc sur la voie, c'est-à-dire la sunna du prophète A.S. On est d'accord. La sunna, pourquoi encore? On a cité toutes les preuves. On a parlé de l'importance de la sunna. Et ce qui va à l'opposé, c'est Al-Bida'a. Al-Jama'a maintenant. D'où tu as sorti Al-Jama'a? On a cité les hadiths. On a cité. Al-Jama'a tu rahma wa al-furqatu adab. Ah, al-furqatu adab. La division. Ah, donc, ce qui va à l'opposé de Al-Jama'a, c'est quoi? Ah, la division. D'accord? Et s'écarter du groupe qui se sont réunis autour de quoi? La sunna ou bien dit sur, autour de la vérité al-haq. D'accord? Donc ici, on est contre la division. Donc Al-Jama'a, qu'est-ce qu'on dit? Yani, au point de vue religieux, les gens de science. Qui sont cette jama'a? Certains gens de science, et je dis toutes ces appellations, à la fin on va donner un résumé. Certains gens de science, ils ont dit avant tout, ce sont as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ce sont les compagnons. D'accord? Et à leur tête, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. C'est pour ça que quand on parle de ijma', consensus, ici, Quelquefois, le consensus, quand on parle de consensus, certains gens de science disent consensus, c'est on regarde le consensus des compagnons. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Car, yani kulluhum thiqa. Ils sont tous ici dignes de confiance, sont tous intègres. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Donc ici, on parle de des compagnons. Quand on dit al-jama'a. L'imam al-Shatibi, rahimahullahu ta'ala, il dit concernant al-jama'a. Il dit al-jama'a, le groupe ou l'unanimité, c'est particulièrement, c'est particulièrement as-sahaba. Hum as-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Car ce sont eux qui ont instauré les bases et les piliers de la religion, et ce sont eux qui ne se réunissent jamais sur un égarement. Et ceci ne peut être réalisé par autre que. Et ceci ne peut être réalisé par autre que. Claire, continuez avec moi. Ici, il est dit, par, ici, ce livre que je vous recommande, le concept de la sunna et de l'unanimité par Sheikh Nasir, ici, Al-Aql, rahimahullah ta'ala, wa hafidhahullah ta'ala, il dit, donc la grande majorité représente ceux qui sont sur la vérité. Ce sont les compagnons à leur époque. D'accord? Ce sont Al-Jama'a, les compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Quand tu dis c'est qui le Jama'a, tu dis Sahaba. Que? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de Jama'a s'ils sont morts. Non. Les suiveurs. Ah. Les suiveurs. Les imams de la religion et de la droiture. Et ceux qui sont pris comme exemple, ainsi que ceux qui suivent leur voie. D'accord? Donc ce sont avant tout As-Sahaba. D'accord. C'est ça le Jama'a. Comme il le dit l'imam As-Shatibi, rahimahullah ta'ala. Car personne en dehors d'eux ne peut se réunir comme il se doit sur la vérité. D'accord? Donc ici, c'est les meilleurs des créatures. Ba'd al-anbiya wa ar-rusul bi ijma' al-ulama. Ici, c'est les meilleurs des gens. Après, ici, les prophètes et les envoyés. D'accord. Mais pas que les compagnons. Tous ceux qui ont suivi le chemin des compagnons. Les imams, les savants, les gens qui suivent le chemin des compagnons. Les compagnons, c'est qui? Ce sont... C'est qui les compagnons? Radiyallahu anhum wa ardahum. On les appelle aussi, ou ils font partie de As-Salaf. D'accord? Les ancêtres pieux, c'est As-Sahaba. Wa At-Tabi'in. Wa Atba' At-Tabi'in. D'accord? Khayrun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Donc ça, les compagnons, c'est les Salaf. Ah, c'est les Salaf, les compagnons. La tête des Salaf, c'est qui? Les compagnons. Et la tête des compagnons, c'est qui? Le meilleur des Salaf? Muhammad alayhi salatu wa salam. D'accord? Donc ici, nous disons, nous suivons le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète était un, faisait partie des salaf. Ici, les sahaba font partie des salaf. Le meilleur des salaf, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Et ici, après le salaf, il y a tabi'in wa atba' tabi'in. Donc c'est eux le jama'a, c'est eux le jama'a. Est-ce qu'on doit suivre le prophète? Est-ce qu'on doit suivre les compagnons? Seul un égaré dira le contraire. Donc tout musulman sur la surface de la terre qui se dit être sur la vérité, il est obligé de suivre le prophète et les compagnons. C'est-à-dire, il est obligé de suivre les salafs. D'accord? Il est obligé de suivre les salafs. C'est-à-dire, les ancêtres pieux. À leur tête, il y a qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons. At-tabi'in wa atba' at-tabi'in. On est d'accord. Suivre un groupe et se donner, d'accord, s'approprier une appellation qui représente ce groupe, c'est deux choses tout à fait différentes. Comme je donne un exemple très concret, d'accord? Et seul un bête, non excusez-moi, plus que cela, plus qu'un bête ne comprendra pas ces appellations, d'accord? Une personne remplie de choubouhad dans sa tête, ou un gros égaré, dira le contraire. Ici, ça serait trop facile. Il suffirait de dire, je suis pieux pour être pieux. Quelqu'un va dire, c'est pas pareil. D'où c'est pas pareil? Je suis salafi pour être salaf. Ou être salafi. D'accord, on va pas dire salaf. Salaf, c'est à leur époque. Salafi, c'est-à-dire ceux qui suivent salaf. Je suis salafi pour être salafi. C'est-à-dire, je me dis salafi plutôt pour être salafi. Je me dis salafi et automatiquement je suis une personne qui suit les salafs. C'est-à-dire qui suit les salafs, tu dois les suivre dans leur, Ah, le suivi, c'est quoi? C'est-à-dire, tu les prends comme exemple. Donc tu fais tout pour leur ressembler. Donc tu fais tout pour ressembler à qui? À Hamza radiallahu anhu arda. À Abu Bakr. À Uthman, à Omar, à Ali, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à Talha, à Hamdala, à Zubayr, à ses compagnons, à ses montagnes. Donc au moins tu leur ressembles. C'est-à-dire que quand on te voit, ah, tu n'es pas Hamza, mais on pense à Hamza. Quand on te voit, ah, tu n'es pas Omar, ah, mais tu fais rappeler Omar, radiyallahu anhu arda. Quand on te voit, tu n'es pas, mais ah, tu fais rappeler Abu Bakr. Quand on te voit, tu n'es pas le prophète, mais tu me fais rappeler au prophète alayhi salatu wassalam. C'est vrai ou pas? Là, on va dire, tu ressembles, tu les suis. Amma, quand je te vois, je ne vois que les ténèbres. Je vois que les mises en garde. Je vois que des paroles, wal'iyadhu billah, qui te dégoûtent. Je vois qu'un comportement qui ferait fuir n'importe quelle personne sur la surface de la terre. Quand je te vois, tu n'es ni ici, tu n'as aucune ressemblance avec Abu Bakr. Tu ne ressembles pas du tout à Omar. Tu ne ressembles pas du tout à Ali et encore moins à la mère des créatures. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Donc c'est une lourde responsabilité. Donc c'est pour ça que dans certains cas, c'est une forme de tazkiyatun nafs, comme l'ont dit les savants Cheikh Fawzan et autres. Et ça, c'est des paroles qui n'ont pas été inventées comme certaines personnes. Oui, mais c'est des égarés, ils prennent qu'un passage. Et ce passage, il s'ennuyait, il l'a fait rentrer comme ça par hasard le savant. Et on a pris ce passage, il l'a pas dit. Ou alors il a glissé, ou il y a un djinn qui est rentré là par là à sa place et... D'où tu sors toi, Abdallah? Il l'a dit. Voilà qu'il nous disons, ne prenons pas que ce passage. Dans certains cas, ça fait partie de tazkiyatun nafs. On n'a pas dit tout le temps. Naam, pas tout le temps. Et on sait les paroles de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, mais certains savants disent naam, il y a une divergence entre gens de science. Certains gens de science disent oui, pour te différencier de certaines sectes, tu dis je suis salafi, insha'Allah ta'ala, sans vouloir te glorifier, sans, donc il n'y a pas de mal. Walakin, ils disent quoi? D'autres gens de science, quand il n'y a pas d'intérêt, de le citer comme il dit Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah ta'ala, Cheikh Rashi, hafidhahullah ta'ala, et c'est des paroles claires en arabe et traduites en français. Et ils disent, quand il n'y a pas d'intérêt, délaisse ces appellations quand ils sont une source de division, voilà qu'il garde le sens et suit le minhaj. Et il y a une différence entre suivre le minhaj et le dire avec la langue simplement, je suis salafi ou je fais partie de tel minhaj. Suis cette voie-là et montre ici que tu suis vraiment cette voie-là et sache que la meilleure des da'wah, dans beaucoup de cas, c'est celle qui est faite avec le comportement et pas avec la langue. Attire les gens. Mais quand des gens, et je ne généralise pas, mais ça existe, quand des gens qui sont arrivés avec la barbe, avec le qamis, en disant, et certes, ils avaient ici une soif d'apprendre énorme. Et quand ils voulaient vraiment être assidus quant à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, ils voulaient vraiment apprendre la science. Ils voulaient cette vraie voie. Mais quand ils ont eu ce bagage entre les mains, ils n'ont pas su transmettre, ils ont fait plus de dégâts qu'autre chose. Ça a créé la division, khlas, délaisse cette appellation, parce que ça fait plus peur les gens au jour d'aujourd'hui, malheureusement, dans certains endroits, qu'autre chose. Mais montre-leur, ici, à travers ton comportement, que c'est la vraie des voies. C'est la vraie voie. Naam, ça existe? Naam! Il y a combien de gens qui sont arrivés dans des mosquées, ils ont fait de l'masaïb, wallah, des désastres, des malheurs, des catastrophes. Ils rentraient, t'as pas collé ton pied avec moi, t'as un mouftadi à toi. Salam alaikum. Il y a un vieux qui voulait faire, par exemple, combien de cas on a eu? Salam alaikum et tout, alaikum salam, après la prière, là, il taqabbal, hadi bid'a ya akhi. Ash-shir hadi bid'a ma kanach fil islam. Le vieux, il comprend rien, à peine je lui dis salam alaikum et bid'a. Khlas, déjà, t'as pas gagné son cœur. Ici, t'as même pas parlé avec la douceur. T'as même pas, ici, comment tu veux qu'il t'écoute, ya Abdallah? Et ensuite, hop, directement t'attaques. Ça, c'est bien. Pas comme ça. Gagne son cœur. Ici, comme on a l'exemple. Ici, de deux jeunes qui nous ont appris à transmettre la religion, comme il se doit. Des gens qui ont plus de science que toi, ya Abdallah, qui te prétend être sur la voie des ancêtres pieux quelquefois alors que tu n'as rien à voir. Ils avaient du gros bagage, ils avaient beaucoup de bagage, mais ils ont su utiliser ce bagage. Tandis que toi, peut-être quelquefois tu as des bagages, ou certaines personnes ont du bagage, ou ont des bagages, voilà, qui malheureusement ils ne savent pas transmettre, ils font plus de dégâts qu'autre chose. On a ici, à titre d'exemple, Hassan et Al-Hussein. Et ils ont vu une personne faire les ablutions, catastrophiques. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment on va lui dire qu'il ne sait pas faire l'eau? Si on lui dit, il va prendre mal, ce personne âgée, etc. Donc, on va faire quelque chose. Ici, on va agir avec tact. Regardez. Pourtant, ils auraient pu dire, on est dans une époque où il n'y a pas de rigolade. Ah, l'époque du prophète, ce n'est pas la même époque que la nôtre aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que maintenant, oui, ce qu'il y avait à l'époque du prophète, ça n'existe plus. Non, mais on regarde le contexte actuel. Quand tu es dans une ambiance, dans un pays où il y a Sharia, où il y a le prophète alayhi salatu wassalam, où tout le monde, la majeure partie des gens sont sur la sunna, où tu as la meilleure des créatures avec toi, les meilleures des créatures après les prophètes et les envoyés avec toi, il n'y a pas droit à l'erreur ou de grosses erreurs. Faut être ferme. Faut pas laisser de brèche. Mais quand tu es dans le cas inverse, c'est-à-dire la majeure partie des gens sont égarés. La majeure partie des gens, ils savent même pas c'est quoi une sunna. Ils savent même pas c'est quoi une bid'a. Est-ce que tu vas réagir de la même façon? Non. Wa nunazzilu an-nas manazilahum. Si t'as pas cette science, tais-toi. Tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Même si tu as l'oura al-arabiya, l'oura al-arabiya, même si tu as le fiqh, même si tu as, wallahi, tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Ils sont arrivés, ils ont dit, fais les ablutions devant nous. Et khlas, on va te critiquer, on va te montrer tes défauts. Ils ont dit ça ou pas? Ils ont dit non. Est-ce que tu veux pas être arbitre quelque part entre moi et mon frère? Je lui dis pourquoi? Ils ont été voir cette personne qui est catastrophique ses ablutions. Ils ont dit parce que nous, on veut savoir qui fait le mieux d'entre nous deux les ablutions. J'ai dit, yallah, khlas, commencez. Bismillah, ils ont fait leurs ablutions. C'était qui leur professeur? Le meilleur des professeurs, alayhi salatu wassalam. Ils ont fait leurs ablutions, masha'Allah, de façon complète. Quand ils ont fini, ils ont dit, alors c'est qui d'entre nous qui fait le mieux ses ablutions? Ils ont dit, wallah al-adim, c'est ni toi qui fais pas bien ses ablutions, mais c'est moi. Vous deux, vous avez fait masha'Allah vos ablutions, c'est moi. Je viens de me rendre compte quand je vous ai vu que moi je sais pas faire les ablutions comme il se doit. En fait, juste pour lui faire comprendre indirectement qu'il est égaré. Ça, c'était des gens qui vivaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont agi avec tact, qui avaient plus de science que moi et toi et que les savants d'aujourd'hui. Ils ont agi comme ça. Toi, tu dis non, al-bid'a, faut la montrer, il faut être strict, il faut être salafisé. T'as vu ça, toi? Garde, ici, garde ton niveau, ya Abdallah. Et garde les pieds sur terre. Ici, on n'utilise pas qu'un texte. Et on regarde le contexte dans lequel on vit. Est-ce que toi, tu vas appliquer tous les textes? Comme ils les ont appliqués. Donc ça, ikhlas. Moi, je vais lire un texte. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dhalika ad'afu al-iman. Je vais dire, je suis un grand ignorant, grand jahil. Je vais dire, oh, ikhlas. Je vais voir quelqu'un avec une cigarette, je vais lui arracher la cigarette de la bouche. Non, khlas, j'ai appris de la science. Un peu de science. Et je vais dire, ah non, al-ulama, ils ont dit que ça, c'est celui qui détient l'autorité. Ou alors le père envers ses enfants, donc j'utilise pas la main ici, mais je vais utiliser d'abord la parole. D'accord? Ah, khlas, t'as eu un peu de science, ça y est, tu bats des ailes. Tu crois que ça y est, c'est bon, t'as tout compris. Donc, applique alors ce hadith. Quelle plus grosse moussiba que la bid'a, yol ahibba, ba'd al-shirk, après l'association. Le bid'a, c'est l'innovation. Donc, si tu appliques ce hadith, et tu dis que voilà, on doit travailler qu'avec un texte, il est clair, il est wadih ce hadith. Et bah, à chaque fois que tu vas faire une jumu'ah, tu vas participer à une jumu'ah dans n'importe quelle mosquée, tu te lèves devant tout le monde, s'il y a 1000 personnes, 1500 personnes, sinon t'es un gros égaré. Sinon t'es un égaré, t'es un désobéissant, wal'iyadu billah, et toi t'es un salaf, toi t'es rien, t'es pas un salaf, alors on va lui dire ça. Si on a mal compris la religion. Pourquoi? Bah, tu te lèves, et quand tu vois, par exemple, un khatib ici qui fait, par exemple, le khutbah de jumu'ah, c'est une référence, c'est un imam. Avec l'isbel, وكما قال عليه الصلاه والسلام من اسفل من الكعبين ففي النار كما جاء في الصحيح ce qui descend en dessous le Ka'bayn min al-izar fa fi an-nar concernant son vêtement en dessous le Ka'bayn c'est en enfer donc كما ذكر ذلك العلماء من الكبائر c'est partie des grands péchés il a pas la barbe ça fait min al-kaba'ir ça fait partie des grands péchés donc ici tu le vois sans barbe tu te lèves devant tout le monde et tu dis ça c'est un munkar et vous, celui-là c'est un égaré et lui c'est pire qu'un égaré parce qu'il montre ouvertement son égarement ah c'est pas quelqu'un non ouvertement ah là il y a pas de rigolade. Quelqu'un qui monte ouvertement son égarement, ah, tu le dis devant. Bah, pourquoi tu le fais pas alors? Excusez-moi du terme, mais grande bouche. Bah, pourquoi tu le fais pas alors? Ah, j'ose pas. Donc, t'es pas un salaf, mashallah, comme il faut alors. Subhanallah. Pourquoi ils vont pas le faire alors? Ou pourquoi des gens, ils disent, oui, voilà, je ne généralise pas, mais je parle d'un petit groupe d'individus, et je suis pas en train d'attaquer la salafia, parce que nous sommes fiers d'être sur le minhaj des salafs. Walillahil hamd. Et nous défendons le minhaj, masha'Allah, tabarakallah. Mais nous disons, ça n'a rien à voir avec le comportement de certains individus, wal'iyadu billah, qui ont pourri. Fawarabbi al-ka'ba la da'wa, dans beaucoup de pays d'Europe. Wallah, ils l'ont pourri, wal'iyadu billah. Fawarabbi al-ka'ba, qui a des savants d'Arabie Saoudite, quand ils entendent une personne qui parle de France et qui appelle, pose une question, ils entendent de France, wallah al-adim, qu'ils ont du dégoût, certains répondent, parce qu'ils savent le masa'ib qu'ils ont fait. Fawarabbi al-ka'ba, j'en ai parlé avec des savants d'Arabie Saoudite, qui quand ils parlaient d'eux, ils disent, oui, c'est ceux qui, et que je me rappelle quand on était avec Ikhwa, ici on était dans l'endroit où il faisait yani, le fatawa, à Mina, pendant le manasik de l'Hajj, où on était dans la tente de Shirshabli, hafidhaullah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous disait? Ceux qui, quand tu les vois, tu vois les ténèbres dans leur lumière. Sheikh al-Qasim, Khatib, à Masjid al-Nabawi, qu'est-ce qu'il disait? Ceux qui ont quoi? La langue en dessous de l'Ka'bayn et le vêtement au-dessus de l'Ka'bayn. Subhanallah. Sheikh Shabli, il disait oui, ceux qui sont dans le haram, au lieu de prendre 100 000 prière, il préfère à détecter toutes les gens qui font une petite innovation pour passer leur temps à dire mubtadi', mubtadi', mubtadi', mubtadi', alors que la plupart du temps ils n'ont pas de science. Et ils ne généralisent pas, mais ils parlent de ces petits éléments perturbateurs, wal'iyadu billah. Et qui ne parlent et qui n'osent pas parler devant ou en face. Et quand ils parlent, c'est toujours avec le même texte. Oui, il y a un rab de Sheikh Antel à Sheikh Antel et leur seul but c'est quoi? De diviser, wal'iyadu billah. Ça c'est le jama'a qui veut diviser. Alors que quand ils voient des personnes qui de façon apparente, masha'Allah, قاميس لحية علم قال الله قال الرسول بفهم سلف الأمة et que alhamdulillah ils appellent à suivre le minhage des ancêtres pieux et que même s'ils font des erreurs walakin ici ils ont peu d'erreurs par rapport aux grands bienfaits qu'ils ont ici non ils continuent à dire ce sont des mubtadi'in ce sont des subhanallah quelquefois comme un frère il a dit en rigolant on croirait que ceux-là ils sont dans un monde d'islandeurs il n'en restera qu'un pourquoi tellement qu'il y a un qui fait une petite erreur, ça y est, lui il est sorti du minhaj. Lui on dira à la fin il va rester plus personne. Même entre eux ils vont dire, toi t'es sorti du minhaj, lui il va se regarder, toi t'es sorti du minhaj. Khalas, il reste qui, ya Abdallah? Kullu bani Adam khata. Tous les enfants d'Adam ils font des erreurs, ya Abdallah. Toi tu te prends pour qui? Et il y a des gens qui viennent, combien de mails j'ai eu? Ya akhi taqillah. Wallah, il y a des mails que quand je vois, je ris. Wallah, ça me fait trop rire. Ya akhi taqillah. Tu n'as pas honte. Je t'ai vu dans une vidéo avec un grand conteur d'histoire, Qassas, Cheikh Al-Arifi. Et tu n'as pas honte d'être comme, devant une personne comme... Déjà, subhanallah, al-Azim, il parle de moi, comme si moi, j'avais le niveau de Cheikh Al-Arifi, et que Cheikh Al-Arifi, il avait mon niveau à moi. Vous comprenez? C'est comme si, ouais, j'ai pas honte. Mais tu me parles de qui, moi? Tu me parles déjà à moi comme ça, de Cheikh Al-Arifi, ou alors de Cheikh Mohamed Hassan, ou moi j'ai leur niveau, moi, pour que tu me compares à eux déjà. Parle-leur à eux, dis-leur, t'as pas honte d'être avec un petit comme lui, Rachid Abu Hudayf. Qu'est-ce que tu me dis, moi, avec lui? Comment, subhanallah, toi, t'es qui? Toi, t'es un en France qui peut-être ne fait rien du tout pour la communauté. Et même si tu fais quelque chose, je suis sûr et certain d'après tes paroles concrètes, tu fais plus de dégâts qu'autre chose. Et tu vas me parler de Cheikh Al-Arifi et de Cheikh qui sont la cause bi'idnillah azza wa jal. Ici, de la reconversion de centaines, si ce n'est de milliers de personnes dans l'islam. De l'avancée de milliers de personnes dans l'islam. Et de façon apparente, ils montrent leur minhaj. Et à travers leur doros et leur khotam, ils montrent leur minhaj, salaf de minhaj des ancêtres pieux. Et ils ont étudié comme avec des gens comme Cheikh Ibn Ubay, Cheikh Al-Uthaymin. Toi, t'es qui, toi? Ah, t'as pas honte. Subhanallah. Wallahi ajib. Qawmun ajib. On dirait qu'il sort d'un autre monde, cela, ou d'un film. Wallahi al-adim, ça c'est un pur égarement, wal-ayyadu billah. Al-jama'a wal-ahibba, ce sont sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Ce sont les compagnons avant tout. Et ici, il y a tous ceux qui suivent les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Parmi ce qu'ont dit les savants, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhum wa ardahum. Il rappelle que Al-Jama'a, c'est pas parce que tu y a un grand groupe que c'est automatiquement Al-Jama'a. Al-Jama'a manhum. Qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, innama al-Jama'a ma wafaqa ta'at Allah azza wa jal wa in kunta wahdak. Il y a cette parole qu'il faut voir, Rabbi al-Ka'ba vaut plus que le dhahab de l'or. Il dit, l'unanimité, Al-Jama'a, le groupe, est celle qui se conforme à l'obéissance d'Allah azza wa jal, même si tu dois être seul. Al-jama'a, c'est de s'accrocher à la vérité, comme il le dit aussi Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, même si tu es seul. Si tu es seul sur la vérité, tu fais partie de l'jama'a. Parce que l'jama'a, c'est qui? Un groupe en islam, c'est à partir de combien de personnes? Deux. Donc ici, al-jama'a, tu es tout seul. Donc c'est paradoxal. Il y a une contradiction. Nous disons non, parce que l'jama'a, elle a déjà existé. Toi, tu ne fais simplement que remplir encore al-jama'a. On est d'accord ou pas? Al-jama'a, c'est sahaba. Comme l'a dit l'imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala. Et ceux qui suivent, bien sûr, les compagnons font partie de l'jama'a. Le groupe, il est déjà là. Donc même si tu es tout seul, tu es l'jama'a. Clair? Ça, c'est la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Qui sont ce groupe-là encore? Le terme al-jama'a signifie aussi la réunion autour de la vérité et l'absence de division. Ah, la réunion autour de la vérité et l'absence de division. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والجماعة الرحمة والفرقة عذاب. Ici, et le hadith rapporté par Ahmed. Donc ici, c'est ceux qui s'accrochent à quoi? À l'union. D'accord? À la vérité. Et ils s'éloignent de quoi? Des divisions, wal'ayyadu billah. Donc ceux qui aiment les divisions gratuites. Je ne dis pas qu'on doit s'aimer, s'entraider même dans l'erreur, wal'ayyadu billah. Tu vois des gens, parce qu'il dit je suis musulman, il fait plein de bida, il appelle ouvertement à ses innovations, etc., etc. C'est un égaré, il est contre le minhaj, etc. Et tu vas dire, ouais, mais je l'aime quand même, c'est un musulman pour ses défauts qu'il a. Non! Nous, on est là pour réunir la communauté sur le haq. قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة. ولكن, أيها الأحبة, ici, nous, on n'aime pas la division. Le principe de base, on ne veut pas la division. C'est une exception. Le fait de se diviser, le fait de, quand on n'a pas le choix des gens, c'est pas nous qui avons voulu la division, ce sont eux qui se sont séparés, qui ont créé cette division. Comme des gens, ils nous disent, mais on ne comprend rien. Parce que maintenant, il y a beaucoup de groupes, il y a peu de, pourquoi vous vous dites, eux, ils disent, attention. Grosse erreur. Le fait de dire, une personne a provoqué la division. D'accord? Et une personne, et le fait de dire, non. Moi, je suis sur la vérité. Les preuves, voilà les preuves. Mais c'est des gens qui s'écartent de cette vérité qui ont créé cette division. Il y a une différence ou pas? Une énorme différence. Si toi tu te tiens sur la vérité et des gens s'éloignent de cette vérité, est-ce qu'il y aura une division ou pas? Il y aura une division. Mais qui a créé la division? C'est toi ou c'est ceux qui se sont écartés? Ceux qui se sont écartés. Donc ne mets pas tout le monde dans le même sac. C'est pour ça que Fawarab Bilkaaba, le cours que j'ai fait, le cours précédent, j'enjoins tous les frères et sœurs de le réécouter attentivement pour bien comprendre ce sujet qui est la division et le groupe sauvé qui est le groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a, comme dhakara dhalik Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Là, vous allez bien comprendre les choses bi'idhnillah azza wa jalla. Nous, on se tient sur quoi? Sur ce qu'a expliqué, on a expliqué la sunna dans les détails. Pourquoi? Les preuves, les sources. Al-Jama'a, c'est quoi le groupe? Les preuves, les sources. Ceux qui s'écartent de là, c'est eux qui se sont divisés. Nous, on veut pas la division, nous, al-iyadhu billah. Et ceux qui aiment la division, qui cherchent la division envers ceux qui font partie de ce groupe-là, mais tout simplement parce qu'ils ont deux ou trois erreurs et ils ont pourtant plus de bien que de mal, fawarabbil ka'ba, même s'il a la barbe, le qamis, il dit je suis salafi, c'est lui qui veut la division, il ne fait pas partie du groupe de al-sunnati wal-jama'a comme il se doit. Les preuves, ils sont claires. Fawarabbil ka'ba, celui qui a un minimum de conscience et de science et de bonne compréhension, il va dire je me sens apaisé, pour moi c'est clair. Mais allez voir les autres shubuhat, ashab shubuhat, tout ambigu. Mais non, il va dire un athar, un hadith, mais si tu le bloques en le disant, bah réagis comme ça dans n'importe quelle situation, tu vas le bloquer. Khalas, il faut être strict, les innovateurs, oui, il faut... Mais yahi, il faut adapter les contextes. Au jour d'aujourd'hui, la majeure partie des gens, comme je l'ai dit précédemment, ils savent même pas c'est quoi une bid'a. Ils savent même pas c'est quoi une sunna. Ils sont très loin. Est-ce que tu vas adapter le même comportement qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, alors que la majeure partie des gens étaient sur la sunna, ils avaient pas ici à se permettre de laisser des brèches, parce que la sunna était forte, très forte. Il n'y avait pas de rigolade avec des gens, ce n'était pas le même degré qu'avaient les gens que notre époque au jour d'aujourd'hui. Donc est-ce que tu vas agir de la même manière? Non. Il y a une certaine méthodologie à adopter, c'est pour ça qu'il y a ba'd al-qawa'id qui sont indispensables pour bien transmettre cette religion. Et parmi ces règles, comme l'a cité Ibn Sheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ghayru min ahli al-ilm, comme je cite souvent, wa nazilu an-nas manazilahum. D'accord? Et on se met au degré des gens. Et ici, pour ici rappeler encore Al-Jama'a, le groupe qui est Al-Jama'a, je vais citer ce qu'a dit ou ce qu'ont dit les gens de science. Ils disent, Al-Jama'a aussi, le groupe peut désigner les gens aptes à prendre des décisions. D'accord? Donc si c'est un groupe, ce sont les compagnons. On a dit les compagnons, comme l'a dit l'imam al-Shatibi rahimahullah ta'ala, Al-Jama'a humu al-Sahaba radiyallahu anhum ardahum. Et ceux qui suivent les compagnons, ceux qui n'aiment pas la division, mais qui veulent l'union. Al-jama'atu ar-rahma wal-furqatu 'adhab, la tajtama'u ummati 'ala ad-dalalah kama qala 'alayhi as-salatu was-salam. Khalas, ce sont ceux aussi qui sont, écoutez bien, ce sont ceux qui veulent ou qui sont aptes à décider. En effet, ce terme désigne également l'ensemble des personnes aptes à prendre des décisions parmi al-ulama, les savants, les dirigeants, les chefs, les gouverneurs, les magistrats, les notables ou certains d'entre eux aptes. Ah, ils sont aptes, c'est-à-dire ils ont un niveau de science. Ils sont aptes à prendre des décisions religieuses et ces décisions ont un intérêt et un poids pour la communauté. Ah, parce que ici, si tu ne suis pas ces gens-là, tu vas tomber dans quoi? L'anarchie. Tu vas tomber dans ce qu'on appelle al-fondra. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Ati'u Allah wa Ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ici, ceux qui détiennent le gouvernement. Sinon, c'est l'anarchie. Tout le monde va dire moi je veux faire, moi je dis, moi je vois, moi je crois. Et c'est pour ça qu'on répète tout le temps, dans toute collectivité, on a besoin de responsables. Sinon, c'est le fondra. Dans une famille, il y a besoin d'un responsable. Dans une mosquée, il y a besoin d'un responsable. Dans une ville, il y a besoin d'un responsable. Dans un pays, il y a besoin d'un responsable. Dans, ici, l'ensemble des pays, il y a besoin d'une référence, d'un responsable ou pas. C'est qui? Al-Khalifa. D'accord? Là, on parle de quoi? De Al-Khalifa, ici. Al-Khilafa, c'est pour ça que, ici, ça c'est le grand responsable, ici. D'accord? Mais partout, on a besoin de responsables. Même les non-musulmans l'ont compris. C'est vrai ou pas? Dans une ville, il y a un maire. Dans un pays, il y a un président. Il y a besoin de responsables. Dans toute association, même chez les non-musulmans, ils disent quoi? Il y a un président. Il y a t'es obligé d'avoir un responsable. D'accord? T'es obligé de suivre ici un responsable. Et c'est pour ça qu'il dit. Ici, lorsqu'ils se réunissent pour une affaire comportant un intérêt pour les musulmans, telle la nomination au pouvoir et le serment d'allégeance ou sa destitution, etc. Ceux qui sont les plus dignes à prendre de telles décisions en matière religieuse parmi les musulmans sont les savants, al-ulama de la religion, qui sont suivis dans la religion, puis viennent se classer après eux. Donc c'est l'ulama avant tout, d'accord? Après, ce sont ceux qui les suivent, d'accord? C'est-à-dire dans le niveau de science ou qui suivent, y en a par rapport à leur degré de science, etc. Après, l'ulama, parmi les gens de vertu, de piété et de pouvoir, dont la décision et l'acte ont du poids sur les intérêts de la communauté et la direction de leurs affaires. Et c'est pour ça qu'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, et ses termes sont mentionnés dans Fathul Bari. Il dit, Al-Jama'a indique les gens aptes à prendre les décisions à chaque époque. D'accord? Ça, c'est Al-Jama'a. Donc, on a dit, ce sont eux le groupe. On a parlé de Al-Sunnati wal-Jama'a. Al-Jama'a, on a parlé de ceux. C'est-à-dire ceux qui sont, c'est-à-dire As-Sahaba, ceux qui ont suivi As-Sahaba, qui veulent l'union, qui ne veulent pas la division, qui s'accrochent à quoi? À la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, wa yajtami'ouna hawlaha. Ils se rassemblent autour de cette sunna. Ils s'accrochent fermement à cette sunna. Ils sont aptes, c'est ça le groupe. Les groupes et les personnes qui sont aptes à prendre des décisions. Et ce sont les savants, al-ulama avant tout. Et ceux qui les suivent après, al-ulama. D'accord? Et ce sont ceux qui, quand ils prennent une décision, et ils sont aptes à prendre des décisions, ces décisions ont un poids et un intérêt pour la communauté al-ummah. D'accord? À ce moment-là, tu les suis et tu t'accroches à eux. Sinon, ça va créer quoi? Ça va créer la division. En résumé, il dit, cher, ici, quiconque accomplit, ici, plutôt, il dit plus loin, en conclusion à tous ces termes-là. Il dit, les gens de la sunna et de la conformité et de la vérité, qui sont le groupe sauvé. Il s'agit des compagnons et ceux qui les suivent dans le bon comportement, les imams de la guidée, les gens de science et de compréhension dans la religion, ainsi que ceux qui suivent leur exemple et leur voie parmi les croyants jusqu'à la fin des temps. Regardez les termes qu'il a utilisés pour réunir tout. Il dit, les gens de la sunna, de la conformité, de la vérité, qui sont le groupe sauvé, qui sont-ils? Il s'agit des compagnons et ceux qui les suivent dans le bon comportement. Les imams de la guidée, les gens de science et de compréhension, ceux qui comprennent la religion, c'est pas qu'ils apprennent et comprennent pas, de la compréhension dans la religion, ainsi que ceux qui suivent leur exemple et leur voie parmi les croyants. Donc, même les croyants peuvent avoir, oui, na'am, tu fais partie de le jama'a qui a déjà existé, ya Abdallah. Ici, qu'ils les suivent jusqu'à la fin des temps. La tazalu, yani, ta'ifatu min ummati, zahiratun, ala al-haq, hatta taqoum as-sa'a. Ceux-là font partie du groupe sauvé, Ayol Ahibba. C'est ce groupe-là, Ayol Ahibba, qui nous intéresse. Et ce sont ceux-là qui sont sur la vérité, bi-idnillah azza wa jal, et qui sont cités dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, ma communauté se sépare en 73 parties, kulluha finnar. Tous ces groupes-là, ici, kulluhum finnar. Ils sont tous en enfer. Illa wahida, sauf une. Et c'est cela que le prophète, alayhi salam, a cité quand il a dit, ceux qui vont suivre ma voie et la voie des compagnons, c'est-à-dire la sunnah. Et dans une version, il a dit, al-jama'a, ceux qui sont sur le groupe. Ce groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a, est-ce qu'ils doivent s'appeler obligatoirement Salafi, ou Ikhwani, ou Tabliri, ou est-ce que ça suffit de suivre ce qu'on vient de citer? Ici, les réponses sont claires, apportées par Cheikh Ibn Baz et apportées par Cheikh Al-Uthaymi, rahmahullah ta'ala, et je resterai que avec ces deux grands savants, bi-idnillah azza wa jal, ici, pour pas trop prolonger, car ces deux grands savants, deux grandes montagnes de science contemporaines, qui nous ont expliqué de façon clairement, ici, qui sont ce groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a? Comment les reconnaître à notre époque? Quelles sont leurs caractéristiques? On va en citer quatre. Et est-ce que quelqu'un qui a une déficience dans une de ces quatre caractéristiques qui font d'eux le groupe sauvé, est-ce qu'il est automatiquement exclu du groupe sauvé? Les réponses seront claires. Bi-idnillah azza wa jal. Je terminerai ce sujet-là, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Wa billahi tawfiq. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.